C'est cette thèse que je renferme dans ces simples paroles. Les lois de la République ont pour principe la liberté, l'égalité, la fraternité de tous les hommes. La séance est ouverte au Vieux Colombier à Paris avec les comédiens français. Septembre 1848, la devise de la République. Les sondages en 2015 indiquent que nous sommes à plus de 80% attachés dans l'histoire de la République à deux socles. Les lois de protection sociale d'après 1945, les textes fondateurs de la troisième des années 1880 à 1905. Mais la devise « liberté, égalité, fraternité » que nous plébiscitons et qui nous réunit à plus de 90% vient de plus loin. Pourtant, la fraternité n'est pas mentionnée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et elle fait très discrète figure dans la Constitution de 1791. Les conventionnels, on le sait, ne l'ont pas beaucoup pratiqué. C'est la Seconde République qui l'introduit en 1848 dans toute sa clarté. Le 20 avril de cette année-là, 3 mois après la Révolution de février, ils sont 1 million de Parisiens à participer à une gigantesque fête de la fraternité. Quelques jours plus tard, c'est tout le pays qui accompagne les hommes majeurs au chef-lieu de canton où ils expérimentent le droit de vote. Il faut penser aux premières élections libres d'Afghanistan en 2004 ou au Congo en 2006 pour imaginer ce que fut ce grand ébranlement du suffrage universel. Mais le résultat des marches pacifiques ou le verdict des urnes ne sont pas nécessairement à la hauteur des intentions proclamées. Dès juin 1848, le gouvernement met fin à l'expérience des ateliers nationaux destinés à donner du travail aux chômeurs. Les ouvriers de la capitale se cabrent, construisent de nouveau des barricades où ils ne sont pas cette fois rejoints par les autres classes. Ils laissent 5000 morts peut-être dans la répression. La fraternité a atteint ses limites. Silence aux pauvres, écrit le philosophe Lamennais, membre de l'Assemblée constituante. L'écriture de la Constitution commence quand finit cet été de désenchantement. L'Assemblée constituante est géante. Elle siège dans une salle dite de carton, construite tout exprès dans la cour d'honneur du Palais Bourbon. La température peut y monter très vite, la transformant en chaudron. Cette Assemblée est présidée par Armand Maraste. France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie française, Jean Lebrun. L'ordre du jour, messieurs, appelle la discussion sur le préambule du projet de Constitution. Voici les premiers articles du préambule. En présence de Dieu et au nom du peuple français, l'Assemblée nationale proclame et décrète. Article 1. La France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société entre les citoyens, d'augmenter par la réduction graduée la somme des avantages et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être. Ce paragraphe premier, messieurs, vous l'avez d'ores et déjà adopté. Nous passons à l'article 2. La République française est démocratique, une et indivisible. La Commission n'a pas défini le mot démocratique. Allons bon, mais messieurs, messieurs, dans une constitution, il ne faut pas qu'on puisse interpréter chacun à sa façon. Le mot démocratique veut-il dire égalité devant la loi ? Veut-il dire égalité des droits politiques ? Veut-il dire en opposition avec l'ancien mot aristocratique qui était le gouvernement des hautes classes, le gouvernement des classes inférieures ? Il faut que nous soyons tous d'accord. Je désire que ce mot « démocratique » soit entendu de telle façon qu'il ne soit pas un prétexte à des coups de fusil. S'il y a un mot qui depuis longtemps n'a pas besoin de définition en France, c'est le mot « démocratie ». Nous avons connu la monarchie. Nous avons connu la République. Nous avons connu l'aristocratie qui, pendant plusieurs siècles, avait pesé sur la nation, qu'il a renversé par la révolution de 1789. Celle-ci a fait comprendre au peuple ce que c'était que la démocratie. Un gouvernement démocratique, c'est un gouvernement où il n'y a plus ni aristocratie, ni privilège. C'est le gouvernement du droit commun. C'est le suffrage direct et universel. La démocratie, ce n'est pas seulement la suppression des privilèges, l'abolition de la noblesse. Bon, je vais procéder, si vous le voulez bien, au scrutin, à main levée. La République française est démocratique. Ouais. Une. Ouais. Et indivisible. Ouais. L'article 2 est adopté. Bravo. Passons, si vous le voulez bien, à l'article 3. La République reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs aux lois positives. Je vais procéder au vote, à main levée toujours. Oui ? L'article 3 est adopté. Nous passons à l'article 4. Elle a pour dogme la liberté, l'égalité et la fraternité. La parole est à monsieur Joseph-François Alcock, député de la Loire. Il n'y a rien de plus dangereux en politique et en législation que ces doctrines générales qui semblent promettre tout et qu'il est ensuite si difficile de réaliser. Après ces larges promesses viendra la législation positive qui sera forcée de limiter ces libertés si imprudemment prodiguées. Quand on veut formuler les vérités politiques dans des axiomes, qu'est-ce qu'on fait ? Si l'on exprime les droits de l'individu d'une manière absolue, on a rédigé le code de l'anarchie. Qu'il me soit permis d'ajouter que s'il est un peuple chez lequel on n'ait pas besoin de stimuler l'esprit d'opposition contre le pouvoir, c'est sans contredit le peuple français dont l'imagination... dont l'imagination est si facilement inflammable. Messieurs, la parole est à monsieur Alphonse de Lamartine, député des Bouches-du-Rhône. Messieurs, je sais qu'il est très difficile de limiter, même dans des paroles, ces principes dont l'un empiète si facilement sur l'autre, liberté, égalité, fraternité. Je sais qu'il est très difficile de déterminer, par exemple, la limite entre les libertés que tout individu doit avoir dans une nation républicaine et la licence contre laquelle la République tout entière doit se prémunir. Je sais qu'il est très difficile d'établir la limite précise, la définition précise de ce mot « égalité ». Égalité sublime devant Dieu, de toutes les créatures pétries de la même argile et animées du même souffle. Égalité sublime aussi de tous les citoyens devant la loi qui leur garantit les mêmes droits et leur impose les mêmes devoirs. Je sais combien il est difficile d'établir le niveau de cette égalité et de la séparer de certaines autres égalités chimériques rêvées par des utopies et présentées non pas comme une amélioration mais comme une subversion de la société. Quant à moi, ma raison s'offense et mon âme se soulève d'indignation quand je songe que la démence de quelques hommes est parvenue à trouver des voix qui ont pu dire impunément « La propriété est un vol, la famille est un accident !» Je sais tout cela. Je sais aussi combien il est difficile à définir ce mot magique de fraternité que nous avons emprunté à l'évangile de la religion pour le jeter dans l'évangile de la politique, afin qu'il y germe avec les vertus et avec une efficacité nouvelle dans nos institutions futures. Mais quoi ? La révolution de février n'a pas le droit d'inscrire 2 ou 3 principes nouveaux au sommet de son code politique ? Quoi, elle serait née muette. Qu'a-t-elle fait ? Cette révolution, elle a proclamé le plus grand fait des temps modernes. Elle a changé en un seul jour une oligarchie en démocratie complète. Elle a proclamé par son premier acte, en abolissant la peine de mort, le principe de fraternité. Ce principe de la fraternité, avait-elle ou non le droit de le proclamer ? Avons-nous ou n'avons-nous pas le droit de l'écrire aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'acte d'une oligarchie de 250 000 souverains dans un pays habité par 36 millions d'hommes et qui abdique librement, généreusement, spontanément leur part de souveraineté pour l'étendre à l'universalité du peuple ? Ce dépouillement volontaire, vous n'appelleriez pas cela un acte de fraternité sublime, digne d'être inscrit au sommet de votre constitution ? La France se paye facilement de mots. La France aime les grandes pensées, les grands sentiments, les grandes vérités sociales. Elle en est à la face du monde, l'apôtre et parfois le martyr. Toujours, on vit ses généreux enfants combattre et quelquefois mourir pour ces nobles et grandes choses. Fort bien. La parole est à Monsieur Pierre-Nicolas Gerdy, député de l'Aube. Merci. Messieurs, la Constitution doit être fondée sur l'état moral de la société, sur les lumières qui y règnent. Or, si j'examine dans quel état moral se trouve notre société, je suis frappé par un premier fait. Aujourd'hui, le respect de l'autorité est partout singulièrement affaibli. Et même souvent presque complètement ruiné. Mais qu'est-ce que cela nous fait ? Mais, cela vous fait beaucoup. Il est un autre fait. C'est qu'il existe, surtout aujourd'hui, un esprit d'insubordination. Oui, qui fait qu'on n'aime pas à se soumettre à la volonté des autres. Ah, chose singulière. Par suite de cet esprit d'insubordination, on voit des hommes, précisément parce qu'ils sont insubordonnés, se dire sincèrement républicains. Ces républicains insubordonnés et ardents ne sont autre chose que des hommes qui ne peuvent pas obéir. Les conséquences qui en résultent, c'est qu'il faut faire sentir maintenant, plus que jamais, non pas aux gens éclairés, ils le savent bien, mais aux gens inéclairés, la nécessité de protéger, de fortifier l'autorité. Si l'autorité n'est pas toute puissante, il est clair qu'elle succombera sous les attaques des factions. Non, quelque juste que paraisse la devise proposée, il y a donc nécessité de la modifier. Je parle d'abord du mot « liberté ». Jusqu'ici, on définit la liberté comme le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas à autrui. Eh bien, cela n'est pas la liberté. La liberté est le pouvoir de faire ce que l'on veut. Elle est souvent injuste, criminelle et punissable. Il faut opposer à ces excès l'équité. Le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas à autrui, c'est la liberté et l'équité réunies. Le mot « égalité », quant à lui, ne me paraît pas avoir place ici. Voici pourquoi on veut établir l'égalité politique et civile en principe, en se fondant sur une égalité naturelle qui n'existe jamais dans la nature. L'égalité n'existe nulle part dans la nature, ni chez les hommes, ni chez les animaux. Ni dans les forces de l'homme, ni dans son intelligence, ni dans aucune de ses facultés, ni même dans ses droits. L'égalité ne peut être fondée sur la nature, c'est au nom d'un autre principe, c'est au nom de la fraternité qu'il faut donc l'établir autant qu'elle peut l'être. En effet, les hommes peuvent, par générosité, accorder qu'il y a égalité entre tous, mais on ne peut pas établir que cette égalité provient d'une égalité naturelle. Quant au mot fraternité, je n'ai rien à en dire, mais je trouve qu'on en parle bien trop pour l'usage qu'on en fait. Je dis donc que le mot d'égalité ne répond pas à l'intention que vous avez eue. J'ajoute qu'on a omis un principe très important. Il y a pour l'humanité deux devoirs qui embrassent tous les autres. Le premier, c'est d'être juste, c'est l'équité. Le second, c'est d'être charitable, c'est la fraternité. Voilà quels sont les premiers devoirs de l'homme. Voilà le devoir de la société. Voilà ce que la devise de notre République doit mentionner. Je propose donc de modifier la rédaction de notre devise pour mettre tout simplement « liberté, équité, fraternité ». À l'issue de votre assez brève intervention, si je vous comprends bien, Monsieur Gerdy, vous proposez de remplacer le mot « égalité » par le mot « équité ». Absolument. Je mets donc aux voix l'amendement de Monsieur Gerdy. L'amendement est-il appuyé ? Non, mais proclamez l'iniquité en principe alors, ce sera mieux. La parole est maintenant à Monsieur Jean Reynaud, député de la Moselle. Messieurs, cet article 4, dans sa généralité, forme le thème capital de tout le préambule. Autour de lui, toute la Constitution et les lois qui doivent la suivre semblent graviter. Il est donc de la plus haute importance que la pensée qu'il contient soit parfaitement explicite, car cette pensée n'est autre que l'esprit même des lois. Il y a un certain danger, en effet, que les lois de la religion fassent invasion dans les lois de la politique et produisent ainsi la plus grave et la plus funeste confusion. Le danger est d'autant plus grave que la politique, saisissant ici non seulement le mot religieux de dogme, mais ce grand mot évangélique de fraternité, vient toucher par là, formellement, au terrain religieux et risque par conséquent d'y entrer. Et qui ne sait, citoyens, que la politique n'y peut faire un pas sans s'y engloutir, et pis encore, sans détruire par ce mélange même et la morale et la religion. Ainsi, voilà du premier pas la liberté civile qui périt sous ces empiétements du dogme religieux sur le domaine politique. Alors faut-il renoncer à inscrire au frontispice de nos lois ce grand nom de fraternité, si dangereux à cause de sa mitoyenneté entre la politique et la religion ? À la vérité, citoyens, ce ne serait pas chose nouvelle. Il s'est trouvé des gens prudents qui n'ont pas voulu du tout de ce mot. Au lendemain de la Révolution de juillet de 1830, ces gens prudents l'ont banni. Ils l'ont banni en compagnie de l'égalité, qui ne leur paraissait guère moins dangereuse. Que lui ont-ils substitué ? L'ordre public. L'histoire sait maintenant quel ordre public ils ont produit. Et je le dis hautement, en repoussant l'égalité et la fraternité, ils ne pouvaient enfanter que ce désordre public dans lequel ils ont péri. Citoyens, je n'ai pas besoin de le dire. Renoncer au mot de fraternité serait un expédient insensé. J'exprime votre pensée unanime en disant que nous le garderons pieusement, ce grand mot qui fait la moralité de notre révolution, qui fait son droit, qui fait sa nouveauté, qui distingue notre république non seulement de toutes ces républiques païennes de l'Antiquité, mais de toutes celles que les temps modernes ont développées autour de nous. Oui, citoyens, je vous atteste tous, tant que notre République existera, ce grand mot de fraternité rayonnera sur elle. Si Dieu, comme je le crois et l'espère, veut qu'elle soit immortelle, c'est du respect de ce principe qu'elle tirera son immortalité. Ce principe est la force, la grandeur, la source de vie de la République. La fraternité est le principe de nos lois. Voilà ce qu'il faut dire. La fraternité est l'égalité. Comme la nature a dans tous les hommes la même origine, elle y a aussi le même but. Et ce but doit y être poursuivi à l'aide des mêmes facultés et par les mêmes moyens. Ainsi, tous les hommes ont le même but, qui est le développement intellectuel et moral. Par suite, les mêmes besoins. Par suite aussi, les mêmes droits. Non seulement la loi ne serait pas charitable, ne serait pas juste, si elle ne traitait pas tous les citoyens comme égaux, par cela même qu'ils sont hommes. La diversité n'est chez eux que l'accident, accident utile sans doute, puisque c'est à lui que l'on doit la riche et admirable complexité de nos sociétés. Mais c'est l'égalité qui est le fond, et c'est de ce fond que doivent nécessairement procéder les lois si elles ne veulent pas outrager la nature. Je n'abuserai pas, citoyens, en vous parlant de la liberté. C'est un sentiment qui existe assez dans tous vos cœurs, car il n'en est aucun qui soit plus caractéristique du cœur même de la France. Voilà donc, citoyens, la thèse toute simple dans laquelle je me résume. Les principes du droit dérivent de la nature de l'homme. Ce sont ces principes qui doivent former l'origine des lois, car les lois ne sauraient s'écarter de la nature de l'homme. Et l'essentiel dans cette nature consiste dans cette vérité que consacre la religion et que votre commission nomme elle-même le dogme de la République. Savoir que les hommes sont tous libres, tous doués des mêmes facultés morales en vue du même but, sont tous membres de la même famille. C'est cette thèse que je renferme dans ces simples paroles. Les lois de la République ont pour principe la liberté, l'égalité, la fraternité de tous les hommes. La parole est de nouveau à Monseigneur Fayet, député de Lozère. Messieurs, la liberté vraie n'existe que sous la loi. C'est la loi seule qui est la mesure de la liberté. C'est la loi qui en est la règle. Ce que je dis de la liberté, je le dis de l'égalité, parce que l'égalité n'existe dans la nature et dans la société que par la puissance et la volonté de la loi. Qu'est-ce qui est donc le dogme d'une vraie république ? Le dogme de la vraie république, dont la liberté, l'égalité, la fraternité sont les liens, le dogme de la véritable république, c'est la religion, l'amour de la patrie. Oui, messieurs, c'est la religion. Laquelle ? Et jamais État n'a existé sans que la religion lui ait servi de base. Et vos pères ont perdu la République parce qu'ils n'ont pas voulu jeter la religion dans ses fondements immortels. Oui. Je dis donc que le fondement unique de toutes les républiques, c'est la religion, l'amour de la patrie, la justice, l'honneur et la pratique de toutes les vertus privées et publiques. Voilà le dogme. Le reste n'est plus que le fruit du dogme, l'effet de ces hautes et constantes vérités qu'il faut inscrire à la tête de toutes les lois. Cette constitution que nous faisons aura de durée autant qu'elle aura de religion dans ses fondements. Et cela est si vrai qu'une constitution seule dans le monde a traversé 4000 ans, les 10 commandements. Cette constitution est faite de 10 lignes. Et cependant, elle a formé un peuple, elle l'a soutenu, elle l'a lié avec lui-même, sans gouvernement, sans patrie. Et le peuple se tient debout avec sa constitution sur la poussière des plus grandes nations anéanties. Ainsi, messieurs, la constitution est d'autant plus ferme qu'elle est plus religieuse. Et tous les systèmes ici doivent baisser nécessairement leur pavillon devant l'expérience de 40 siècles et qui n'a été démentie à aucune époque de l'histoire. En conséquence, messieurs, je mets aux voix l'article 4 ainsi modifié. La République a pour principe, non plus pour dogme, la liberté, l'égalité, la fraternité. Qui vote oui ? Oui ! Qui vote non ? L'article 4 est adopté. Bravo. Monsieur Ducos a déposé un amendement. La parole est à monsieur Théodore Ducos, député de la Gironde. Messieurs, votre édifice ne saurait être durable s'il n'est fondé sur les bases éternelles de toute société civilisée. La famille, la propriété, l'ordre public sont trois conditions en dehors desquelles il n'y a qu'anarchie, antagonisme, misère. Il n'y a pas de liberté sans pouvoir. Il ne saurait y avoir de pouvoir ni de liberté sans ordre public. L'égalité ne sera qu'une fiction ou un mensonge si la Constitution ne prend pas sa base dans le respect des droits de chacun. Or, le droit le plus cher à l'homme, c'est son droit de propriété. La propriété doit être le fondement de l'œuvre que nous élaborons. Par ailleurs, l'attachement à la chose publique a son premier germe dans l'affection de la famille. Relâcher le nœud de la famille, c'est relâcher le lien public. Je propose donc d'ajouter à notre devise, elle a pour base la famille, la propriété et l'ordre public. Je vais mettre aux voix l'amendement de monsieur Théodore Ducos. Qui vote oui ? Qui vote non ? Non ! Qui vote oui ? Oui ! L'amendement est adopté. L'article 4 du préambule du projet de Constitution se compose donc ainsi. La République a pour principe la liberté, l'égalité, la fraternité. Elle a pour base la famille, la propriété et l'ordre public. On sait ce qu'il en adviendra. La Seconde République ne sera pas immortelle, comme le souhaitaient ses partisans. Et sous le Second Empire, la prospérité deviendra le mot d'ordre qui remplacera le mot fraternité qui ne ressurgira que plus tard. Nous étions au Vieux Colombier, enfin dans la salle de carton du Palais Bourbon, septembre 1848. Les interprètes Pierre-Louis Calixte, Michel Favori, Éric Genovese, Jérôme Pouli de la Comédie Française, Grégoire Roqueplot et Alexis Chevalier qui faisaient irruption régulièrement depuis la salle composée des auditeurs vibrants de France Inter. La restitution des textes a été assurée par Isor Pisani-Ferry, la réalisation par Stéphane Ronxin, à la technique Patrick Muller, Gilles Manet, Sandrine Bréchaud et toute l'équipe du Vieux Colombier que je remercie.